Dans l'épisode précédent, Paul Cardo, pour faire fructifier l'argent de la famille, a investi dans un étalon. Regarde cet étalon. Il s'appelle Couscous. Mais ce dernier s'avère incapable de gagner une course. Alors qu'arrive tout juste sorti de sa retraite, Couscous qui vient de prendre la dernière place. Paul est décidé à se venger contre celui qui l'a escroqué. Tu n'es qu'un escroc, Roy, mais la famille se vengera. Voici le 7e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé La vengeance dans la peau. Papa ? Ah, Paul, alors Couscous a volé au-delà de ses concurrents, les dépassant de quelques merguez, pour nous faire gagner la fortune que nous méritons et nous permettre de retrouver la gloire du passé que les Cardo n'auraient jamais dû perdre. Non, père. Quoi ? Il a fini dernier. Roy Penbrick m'a roulé et m'a vendu un cheval croisé avec un âne. C'est comme si on faisait une course entre une deux chevaux et une Ferrari. Sauf que c'est toi qui as acheté la deux chevaux. Je ne pouvais pas savoir, je n'y connais rien. Et quand il s'est mis à braire, tu ne t'es pas posé de questions ? Je n'ai jamais vu un âne de ma vie. Tu leur ressembles de plus en plus. Bon, vu que je suis entouré d'incapables, je vais prendre les choses en main. J'ai ma petite idée, mais il va falloir que l'on participe à la prochaine course. Mais j'ai déjà dépensé tout l'argent. Quand le chemin de la gloire est bloqué, il faut savoir prendre des routes plus dangereuses pour arriver à destination. Réveille ton frère, on va avoir besoin de lui. Qu'est-ce qui se passe, papa ? J'ai appris de source sûre que Roy Penbrick avait besoin d'un nouveau palefrenier. Tu vas tout faire pour être engagé, et tu t'occuperas de ses chevaux, et tu t'en occuperas bien. Alors comme ça, tu veux devenir palefrenier. Garçon d'écurie. Oui, monsieur. Tu sais, c'est un travail physique. Et tu n'as pas l'air en forme. Un petit rhume, ce n'est rien. Bon. Je vois sur ton CV que tu as travaillé 3 ans au Mexique. C'est bien ça ? Oui, chez Don Diego de la Vega. J'étais son valet muet. Je m'appelais Bernardo à l'époque. Bon, écoute. J'ai à tout prix besoin de quelqu'un maintenant. Donc je t'engage. Il y a une course à la fin de la semaine. Et tous mes chevaux doivent y participer. Je ne veux pas qu'il y en ait un seul qui soit dernier. Tu as bien compris, un seul. Je m'en occuperai comme de mes propres caleçons. Eh bien, tu as intérêt à mettre de l'assouplissant. Commence par aller nettoyer les écuries. Dans la dernière course, tous courus. Victoire du 10, de l'As et du 3. Prochaine course d'ici moins d'une heure. J'avais gardé 10 000 dollars au cas où t'aurais échoué. Je vois que j'ai bien fait. Ne remue pas le couteau dans le beurre, je m'en veux déjà assez. Nous allons inscrire Couscous pour une nouvelle course contre les chevaux de Roy Penbrick. Mais nous allons perdre. Couscous est plus lent qu'un escargot sur une planche de clous. Ne sois pas stupide. Si ça continue, c'est toi qui vas braire à la place de Couscous. Tu te doutes bien que j'ai tout prévu. Tu es formidable, papa. Bonjour, monsieur. Je voudrais inscrire mon cheval pour la course de samedi. Très bien. Comment il s'appelle ? Couscous. Avec des chipolatas, s'il vous plaît. Je suis impayable. Très drôle, en effet. Voilà, c'est fait. Vous courez contre les chevaux de Roy Penbrick. Ah, pas facile, bonne chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Il ne reste plus qu'à parier et mon plan pourra se mettre à exécution. Vu la cote désastreuse de notre cheval, sa victoire nous rendrait riches à millions. Oh, c'est toi, Marc ? Oui, qu'est-ce qui vous fait rire ? Ah, c'est un jeune garçon qui s'obstine à faire courir son cheval. C'est moi qui lui ai vendu et... je sais qu'il n'y a pas plus lent dans tout l'Ouest. Pas un cow-boy n'en voudrait. L'obstination des désespérés. Oui, c'est ça. Et dire qu'il croit qu'il va être riche. Votre victoire n'en sera que plus facile. Oui. Je veux qu'on l'écrase, qu'on le ridiculise. Allez, va nourrir les chevaux. Je veux qu'ils soient en parfaite forme pour demain. Bien, monsieur. Allô ? C'est moi, Victor. J'ai appris que Couscous allait participer à la course. Il n'a aucune chance. Les chevaux de Penbrick sont boostés à bloc. Justement, nous allons le booster à notre manière. Tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Oui, je t'écoute. Tu vas insérer dans leur nourriture de la morora. Tu verras qu'après leur dîner, les chevaux de Penbrick n'auront plus de quoi fouetter un chat.